Radiomatique. C'est sur la musique du groupe Lima Tressé que s'ouvrait la transmission 558 d'Audiomatique de l'unique album intitulé Los Sueños Mueren Primero, paru en 1990. Nous écoutions la composition Destinos Contra la Pared. Et maintenant, c'est au tour du groupe américain True Widow d'assurer la continuité à Audiomatique. like an enormous burden. These notes and lines walk everywhere with them, in all weathers, and see them sneer at you, bugger you in sleep, and like Goya's dog, look out from their troubled buoy upon a sea of yellow and ochre, awaiting their awful pummeling and thrash. So, when they outdistance you, they are already standing in the road, idle playthings. They come as saviors and fuck you up. Breath caught at the throat. In isolation. In solace. Here's the burden. Now go. I'm Nous avions droit à Audiomatique, à l'artiste française Laetitia Sheriff, de son troisième album Pandemonium, Solace and Stars, qui est paru en 2014. Nous entendions la chanson Urbanism After Goya, à laquelle a collaboré Pete Simonelli. Et pour amorcer cette séquence, nous avions droit au groupe américain True Widow, de son troisième album Circumambulation, sorti en 2013. Nous vous avons présenté la chanson Four Teeth. Audiomatique se poursuit maintenant sur la musique du groupe mené par le saxophoniste colombien Harvey Valencia.

Audiomatic, nous venons de conclure cette séquence sur la musique du duo Soccer 96, composé du batteur et du claviériste de la formation de Comet Is Coming. Nous avons entendu la pièce Speak More of Love qui met en contribution le duo de Colors That Rise. La pièce apparaît sur le plus récent album de Soccer 96 intitulé Inner Worlds, sorti en 2022. Avant cela, c'était Square Pusher et sa composition Don't Go Plastic qui est tirée du troisième album Music is a Rotted One Note, sorti en 1998. Et on amorçait la séquence sur la musique d'Arbe Valencia de son album Essencia y Tiempo, publié en 2018. Nous écoutions la pièce Superviviencia. Audiomatic se poursuit maintenant avec la formation française Filia Mozza. We'll be right back. Nous avions droit à Audiomatic, au quatuor français féminin Bacchante, de son deuxième album Pas un bruit, qui a été lancé en 2024. Nous écoutions la chanson-titre. Et pour débuter ce bloc musical, il s'agissait de la formation française Filia Mozza, de son troisième album studio Sentier des Roches, paru en 2023. Nous avons diffusé la pièce Mont-Royal, à laquelle collabore l'ensemble L'Archipel Nocturne. Ce sera avec le projet australien Severed Heads que nous conclurons cette transmission d'Audiomatic. De l'album Bad Mood Guy, paru en 1987, nous aurons droit à la pièce Rabbi Nardou Flagoon. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomaticcfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Severed Heads et sa composition Rabbi Nardou Flagoon. C'était Audiomatic avec les sonoristes.